L'échelle. La notion d'échelle sonore peut être définie comme le rapport d'adéquation entre l'espace sonore perçu et l'espace réel. C'est un critère latent dans de très nombreux commentaires et il faut souligner que lorsqu'un auditeur perçoit une certaine échelle, il y a rarement erreur. Le son restitue donc la réalité physique de l'espace. Trois sous-critères peuvent être distingués: le volume, l'ouverture et le relief sonore. La perception sonore d'un volume, tout d'abord, est le plus souvent relative et repose sur la distinction entre le petit et le grand. On se sent à l'étroit. Ou au contraire, l'espace se dilate. Mais c'est parfois la qualité intrinsèque de l'espace sonore qui est déterminante. Par exemple, la prégnance paradoxale dans la séquence numéro 3 de tout à l'heure d'un espace qui semblait vide et plein à la fois restitue très bien l'échelle intermédiaire du lieu. On sait que on est entre la cour et la placette urbaine. Deuxième sous-critère, la perception d'une ouverture relative de l'espace repose sur celle d'un rapport particulier entre un intérieur et un extérieur. Le sentiment d'ouverture peut être lié d'abord à la perception d'un équilibre, qu'il soit précaire ou affirmé, entre un dedans et un dehors. Mais ce sentiment d'ouverture peut être également lié à l'identification d'un espace semi-ouvert, une arcade, un portique ou un abri de bus. Ce sentiment d'ouverture peut enfin être lié au potentiel d'échappement des sons dans un espace fermé. Le sentiment que s'ils sonnent bien dans l'espace, c'est parce qu'ils peuvent s'en échapper, diffuser, s'évaporer, partir vers un ailleurs, comme dit un des auditeurs. Troisième sous-critère, la perception d'un relief sonore engage enfin les rapports d'alternance, de superposition ou de substitution entre les sons proches et les sons lointains. Dans les deux premiers cas, les rapports d'alternance ou de superposition, on va parler plutôt de profondeur sonore. Il y a des supporters de Bubaos. Ah bah justement, ils arrivent. Bah, tu verras, ce matin, on en a envoyé des wagons. Dans le troisième cas, celui de la substitution, on parlera plutôt de perspective sonore. Le crescendo décrescendo d'un véhicule, d'une moto, d'un piéton ou d'une mouette. Ici, celui d'une jeune femme et d'un train dans un passage sous gare, quelque part en Suisse.